parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Chaque jour que Dieu fait, s'il savait ce qu'on prépare. Chaque jour que Dieu fait, je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Chaque jour que Dieu fait. Je trouve que le rap game est trop statique. A ghetto, je rap ghetto, mais je suis nostalgique. Le rap français me débecque. Pire, il s'est inspiré des states. Faudrait que je tire sur un flic pour que les moins de 20 puissent me respecter. Rien dans le fond, tout dans la provoque. Et moi je cautionne. Y'a plus de MC conscient, rien que des cochons. Paraît que tu deals toi, paraît que tu tires toi. T'as pas la même vie que moi, y'a MC tire toi. Dans mon quartier, j'ai vu la dope se faire une place. J'ai vu des potos partir à la tôle. Crois-moi, ça laisse une trace parmi les miens. Combien on finit paumé. Dans ce monde tout est faux, les seins sont siliconés. Très tôt les petits veulent être people. Se comporter comme dans les clips, aller au VIP et plus chez Lidl. Tu vois les monstres essayer de monter sur des coups. Mes petits, quand t'es en zone, tu peux compter que sur tes couilles, yeah. Aujourd'hui le rap français s'écrit qu'avec des revolvers. On oublie que nos premiers fans sont tous nos petits frères. Nos parents ont tout quitté, pas pour qu'on fasse gangster. Je suis ni un voyou ni une taïra, juste un galérien de banlieue qui vit de son peur à tous les matins. Je remercie Dieu, un vécu des plus communs, des petits larcins tout bas lourds. Pas quoi raconter des histoires à faire mouiller les petits joies bourres. Je connais les jazz bizarres, j'ai vu de près la folie de mes frères. La mort, les armes, les drogues, les guerres, entre tiécards, les larmes, les drames, les peines. De prison ferme, les poteaux qui sont devenus schizophrènes. Ceux qu'on croyait foutus sont ceux qui aujourd'hui nous font le rappel. On veut se barrer d'ici, se faire la mal avec sa belle. Lui faire une ribambelle de gosse, on voit s'il faut que ça paye. Ici, si c'est dans le silence que chacun porte sa peine. Si tu nous demandes comment ça gaze, tu t'inquiètes, ça baigne. Une grosse carapace à l'intérieur, en fait, ça saigne. Je fais des erreurs, mais je me dis t'inquiète, ça sert. On vit dans le vice, au fond de cœur, en fait, ça cherche. Le repentir sincère, se meurtrir dans sa chair. Faut qu'on arrête, car c'est à petit feu qu'on s'achève. On glorifie la merde, comme si c'était de la bombe. Les rappeurs vendent du rêve, mais ça reste que de la dope. Désolé, mais j'ai passé l'âge des petits délires d'ado. Inquiète ton mic, salive, on prend personne de haut. Aujourd'hui le rap français s'écrit qu'avec des revolvers. On oublie que nos premiers fans sont tous nos petits frères. Nos parents ont tout quitté, pas pour qu'on fasse gangster. Réveillons-nous. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Il y a des jours comme ça où l'humeur est à la réflexion. C'est dans un joint que les fumeurs combattent la déception. Elle est MC, rangez les Kalachnikov. Car dans la ville après les nôtres se tuent mais à la Smirnov. Moi j'ai poussé dans le vacarme et dans les tests tristes. Certains sont morts de gros placards, ça le Nesby. Dans mon appart y'a des cafards comme dans mon esprit. Mec oublie le caviar, j'aime trop mon grec free. Mon père m'a pas appris l'islam pour quand ton frère on se shoot. J'essaie d'honorer leur sacrifice même si la rue c'est dur. Pas plus qu'au bled, on vit dans des ghettos de luxe. Je rappelle on a tendance à l'oublier. Le hip-hop c'est 4 disciplines, pas 5 piliers. T'imagines qu'on écoute plus le rap que les sourates. Je te dis, le problème du rap c'est le rap. Ouais. Oh, aujourd'hui le rap français s'écrit qu'avec des revolvers. On oublie que nos premiers fans sont tous nos petits frères. Nos parents ont tout quitté, pas pour qu'on fasse gangster. Sont tous nos petits frères. Nos parents ont tout quitté, pas pour.